Tremeur ou l'homme sans tête, écrit par Ernest du Laurent de la Barre. Il y avait autrefois, du côté de Plouguer, là-bas, sur le bord de l'Aune, au-dessous de Carhaix, un village habité par des païens qui adoraient des dieux, des demi-dieux, des déesses, des diablesses et un tas de vilaines choses. J'ai entendu dire par des savants que leur chef s'appelait Druide. C'étaient des magiciens ou des sorciers qui, pour savoir l'avenir, coupaient du gui sur les chaînes avec des faucilles d'or. Mais pour deviner l'avenir, ces affreux sorciers ne se contentaient pas de cueillir du gui. Ils faisaient mourir sur les tables de pierre que l'on voit encore sur nos landes des victimes humaines, des chrétiens surtout, qui étaient leurs plus grands ennemis. Dans ce temps-là, la croix de notre Seigneur n'avait pas encore 300 ans. Vous voyez que mon histoire est plus vieille que Mathusalem. N'importe, les vieilles choses valent bien les neuves, comme disait le vieux Bornic, sacristain et fossoyeur du monastère. Le druide, chef du village de Plouguer, s'appelait Comor. Il avait un fils, guerrier généreux, nommé Tremeur, qui ne voyait qu'avec pitié les cérémonies de ces maudits païens. Un soir, après une bataille, on amena des prisonniers au village. Ils furent enfermés dans des grottes de pierre, au fond desquelles on les enchaîna. Ce soir-là, l'orage grondait. Cependant, comme il avait vu enfermer un vieillard à longue barbe blanche, Tremeur s'en vint à la nuit rôder autour de la caverne et entendit une voix qui disait « Seigneur, prenez votre serviteur, mais que son sang serve du moins à la conversion des païens. » Ces paroles étonnèrent Tremeur, et renversant la porte de pierre, il entra résolument dans le cachot. Alors, il vit le vieillard à genoux. Ses mains chargées de chaînes étaient levées vers la voûte sombre, et la lueur des éclairs passant entre les rochers illuminait par intervalles son front chauve et blanc. Je ne puis vous rapporter ce qu'ils se dirent. Ce qu'il y a de certain, c'est que Tremeur brisa avec sa hache les fers qui serraient les mains du captif et qu'ils sortirent ensemble de la caverne. La nuit et l'orage auraient pu cacher leur fuite. Par malheur, comme ils allaient quitter le village, voilà qu'un druide les aperçut et, se mettant au milieu du chemin, vint leur barrer le passage. Tremeur reconnut en tremblant Comor, son terrible père, qui, d'une voix courroucée, lui demanda où il allait. Tremeur, qui ne connaissait ni la crainte ni le mensonge, répondit sans hésiter. « Laissez-nous passer, mon père, ma résolution est prise. Je veux sauver ce vieillard innocent et me faire chrétien. »« Toi, chrétien ?» s'écria Comor d'une voix formidable, en brandissant sa hache. « Non, non, par la barbe du grand Hou, chrétien, tu ne seras pas !» Et en disant cela, il porta un coup si violent à son fils qu'il lui trancha la tête. Voilà l'homme sans tête. Mais comme Tremeur était d'une force prodigieuse, il retint sans broncher sa tête contre sa poitrine. Au même instant, il y eut un grand coup de tonnerre, un zigzag de feu passa entre nos trois hommes, et, si le tonnerre fait souvent du mal, cette fois il fit un bon coup. Car Comor avait reçu la bordée et ne remuait plus ni pied ni patte. Voilà qui va bien. Nos deux amis ne restèrent pas à le regarder longtemps et prirent le large. Le prisonnier remorquant Tremeur, qui suivait aussi bien que possible, en portant sa tête sur son estomac. Ça devait être assez drôle tout de même de voir marcher un homme sans tête. Il faut vous dire que le vieillard n'était autre que Saint Herbault l'ermite. Vous connaissez sans doute de réputation Saint Herbault, l'ami des laitières, un saint plus doux que le beurre frais. Enfin, quand ils furent rendus un peu plus loin, l'ermite, voyant que son compagnon suait à grosses gouttes à porter ainsi sa tête sur son cœur, lui offrit d'abord de la porter à son tour pour le reposer. Mais aussitôt il réfléchit que, s'il lui tirait tout à fait sa tête, il était probable que le pauvre diable ne s'en trouverait pas mieux. Et pourtant, on dit qu'il y a bien des gens qui seraient bien meilleurs sans leur mauvaise tête. N'importe, il vint tout à coup une fameuse idée à Saint-Herbeau. Vous allez voir. On passait alors devant une ferme et la ménagère barattait du lait sur le seuil de sa maison. « Vous faites là de beau beurre ?» dit l'ermite. « Ma foi non, mille malheurs !» répondit la fermière en jurant un peu. « Ce fichu lait ne lève pas du tout à cause de l'orage, apparemment. »« Bah !» fit le saint en riant. « C'est que vous ne vous y prenez pas bien, bonne femme. »« Ah !» répliqua celle-ci. « Je ne m'y prends pas bien. Voilà qui est fort. Moi, la meilleure du pays pour le beurre. Vous radotez, vieux bonhomme. » « Par les cornes de ma vache !» dit Saint-Herbeau. « Tenez, bonne femme, je parie qu'en trois coups je fais lever toute votre baratée, si vous voulez m'en donner un petit morceau après. »« Un morceau je vous donnerai, » dit-elle, « mais quant à faire lever mon beurre en trois coups, vous plaisantez. Possible, mais laissez-moi faire. » Et en disant cela, l'ermite prit le manche du ribot, frappa trois bons coups, ni plus ni moins, et dit à la fermière, « Regardez-y vous-même. » En vérité, le beurre était fait, et du beau encore. C'était merveilleux. Et la fermière ne savait trop qu'en penser. Elle pensait, je crois, qu'il y avait du sorcier là-dessous, surtout quand elle vit l'ermite prendre du beurre dans ses mains, puis, après avoir bien beurré le coup de Trémeur avec son couteau, lui replacer la tête entre les deux épaules et lui dire « Maintenant, mon ami, te voilà restauré. Ta tête est assez solide, tu peux courir le monde. Seulement, gare au feu et à la chandelle. Prends garde aux coups de soleil, car du beurre, vois-tu, ça fond à la chaleur et adieu ta pauvre tête, mon garçon. Te voilà prévenu, mais avant que je te quitte, mets-toi à genoux, afin que je te baptise au nom de la Trinité. » Trémeur se mit donc à genoux, et Saint-Herbeau lui versa de l'eau sur le crâne en disant « Ego te baptizo », ce qui veut dire, si vous savez le latin, « je te baptise avec de l'eau ». Voilà qui va bien, très bien, si bien que Saint-Herbeau vira de son côté et laissa Trémeur bien recollé, bien redressé et non moins étonné. Quant au reste du beurre, la fermière, le regardant comme ensorcelé, l'offrit, la bonne âme, à Trémeur, qui l'accepta et le mit dans sa poche pour son souper, vu que l'appétit commençait à lui revenir. Désormais, notre homme pouvait voyager sans trop de crainte, par le temps couvert, et, en prenant quelques précautions, sa tête, à la rigueur, valait autant que celle de bien des gens. Il est vrai que ses yeux étaient un peu fixes et hagards, et qu'il ne pouvait plus tourner le cou. Mais quand on a été sur le point de perdre à jamais la boule, on ne doit pas y regarder d'aussi près. Trémeur eut, dit-on, de belles aventures. Comme il aimait la guerre, il tua plusieurs géants, ogres et bêtes féroces, qui désolaient le pays. Il est bon de vous dire qu'il avait juré de ne pas se marier, et en cela, il n'avait peut-être pas tort, vu que, si une beauté lui eût tourné la tête, adieu la colle et le reste, vous comprenez. Pourtant, le diable, celui qu'on nomme chez nous le vieux Guillaume, non pas le lugubre Satan, mais un diable comique, tendre et bon enfant. Donc, ce farceur de diable-là avait aussi juré de jouer un tour à Trémeur, parce que Trémeur, en se convertissant, lui en avait joué un autre. Satan voulait le rendre amoureux, naturellement, pour lui faire perdre la tête une seconde fois. Voilà donc un jour notre homme, en passant dans une forêt, rencontra un vieillard tout à fait vénérable, et qui pleurait comme une madeleine, sauf qu'il avait une vilaine barbe rouge. « Qu'avez-vous donc, vieux père ? » lui dit-il avec compassion. « Pourquoi pleurez-vous ? » « J'ai bien sujet de pleurer, » répondit l'autre en grinçant. « Voyez-vous là-bas les hautes murailles d'un manoir maudit ? Eh bien, ma fille unique est là, prisonnière d'un méchant ogre qui doit la manger ou l'épouser demain, ce qui est à peu près la même chose. »« Ah ! » fit Tremeur, « je ne dis pas non, mais je n'aime pas à me mêler à des aventures où il y a des femmes. Ça ne vaut jamais rien. » « Oh, oh !» s'écria le tentateur, « vous êtes un drôle de corps, mais ma fille n'en sera pas moins mangée, puisque vous qui avez l'air si vaillant, vous n'avez pas le cœur de... »« Halte-là, mon vieux ! On n'a jamais dit que Tremeur fût un lâche. Pour la tête, passe encore, mais le cœur est fort. Ainsi donc, vu que le temps est couvert, je m'en vais la chercher, votre fille. En attendant, vous priez pour moi. » L'homme rouge fit entendre une sorte de rugissement à ces mots. Mais Tremeur était déjà en route, et comme il ne pouvait détourner la tête, il ne vit pas le vieux coquin faire une gambade sur ses pieds fourchus, une grimace de possédé. « Voilà qui va bien, comme disait le sacristain. Je ne perdrai pas de temps à vous raconter comment le fils de Comore fendit l'ogre en deux d'un seul coup de hache, et sauva la fille du diable. Ah, ce n'est pas ce qu'il fit de mieux en vérité, car on dit que la fille du diable court encore par le monde, et que ses petites filles, les mauvaises pensées, volent et s'étendent comme d'horribles vapeurs sur la triste humanité. Toujours est-il qu'une heure après, il revint dans la forêt, vers l'endroit où il avait laissé l'homme rouge. La jeune demoiselle, étant trop faible pour marcher, se laissait porter par Tremeur, que ça n'arrangeait pas trop, vu qu'elle se cramponnait à son pauvre cou et qu'elle était diablement jolie. Tremeur avait beau chercher, impossible de retrouver le vieux père. Il suait à grosses gouttes, le soleil passait par endroits à travers le feuillage. Il s'aperçut bientôt avec effroi que le beurre commençait à couler sur sa poitrine et déposa, malgré elle, la jeune fille sur la terre. « Vous n'allez pas m'abandonner, au moins ?» dit la belle en pleurnichant. « Comment faire ?» répondit Tremeur assez inquiet. « Je vous ai sauvée, ma belle dame, pour vous rendre à votre père. Où est-il ? Dites-le, je vous conduirai n'importe où, si le temps est couvert. »« C'est inutile, » reprit la commère. « Mon père ne me recevra plus chez lui parce qu'un chrétien m'a porté dans ses bras. Je suis perdue. Ah, ah, ah. » Et puis des larmes, en veux-tu, en voilà. Le bon Tremeur, dans cette terrible passe, éprouvait, comme on dit, une fière suée. Si bien que le beurre fondait toujours de plus en plus. Voilà qui va mal. Encore quelques minutes, et sa tête, qui branlait déjà, allait glisser de dessus ses épaules. Par bonheur, il se rappela que saint Herbault lui avait dit de faire le signe de la croix, quand il se verrait en mauvaise veine. Ayant donc fait son signe de croix fort à propos, il ressentit subitement une sorte de frisson. La colle cessa de fondre, et à la place où la jeune fille avait été assise, il ne vit plus rien. Rien du tout que le gazon fumant et roussi. Il comprit que le diable était là-dessous et jura de plus belle que dorénavant on ne l'y prendrait plus à se mêler d'aventures concernant fille, femme ou veuve. Après une telle affaire, et vous conviendrez qu'elle avait été chaude pour lui, Tremeur devait avoir une furieuse soif. Voyant le temps couvert et orageux, il se hasarda à sortir de la forêt. Une grosse pluie ne tarda pas à tomber, et notre camarade, qui avait oublié son parasol, fut bientôt trempé jusqu'aux os. Pourtant, il continua sa route et aperçut enfin une maison, une chapelle à l'enseigne de Guy, comme c'était déjà la mode dans ce temps-là. La vue de cette enseigne de malheur augmenta encore sa soif, si bien que le voyageur s'approcha sans défiance de la porte de ce cabaret. Alors il remarqua qu'une femme se tenait assise au comptoir sur lequel on voyait aligner des verres, des chopines, des pichets de vin et de cidre. Et tout cela était bien tentant pour un homme aussi altéré. Mais à la vue d'une femme, il recula en soupirant et, raffermissant sa pauvre tête qui en avait tremblé, il se disposait à se remettre en route quand on le toucha à l'épaule. « Eh bien, l'ami, lui dit un homme un peu rouge, mais aimable, on passe devant la boutique à Bacchus sans dire bonjour. La vieille Proserpina, mon épouse, que vous voyez là, verse pourtant bonne mesure aux pratiques, quoiqu'elle ait 100 ans sonné. En entendant parler de 100 ans, Trémeur se sentit rassuré, le malheureux. Il ignorait qu'il y a des vieilles plus rouées que des jeunes. Il revint donc et entra dans le cabaret. Il aurait dû se méfier autant du cabaret que des femmes, jeunes ou vieilles. Mais la soif, la terrible soif, la pluie qui tombait, la vue des pichets de cidre, rien que la main à tendre et 2 sous à donner. Ah, un breton, un vrai breton n'y saurait tenir. Voilà qui va mal, très mal. Trémeur entra donc, et la langue épaisse, comme de raison, il demanda à boire un bon coup de cistremade. La vieille lui en versa à plein bord dans un énorme pichet. Notre voyageur était tout trempé. L'homme rouge ralluma naturellement le feu et fit asseoir Trémeur le plus près possible du foyer. Trémeur, tenant le pichet sous son menton, se mit à boire avec délice, sans voir la sorcière qui riait, le feu qui flambait par derrière et le beurre qui fondait rapidement sur son pauvre cou. Soudain, le diable s'en mêla pour sûr, car la tête décollée roula dans le grand pichet que le buveur tenait à 2 mains. Or, le sacristain, qui était un fameux farceur, quoique fossoyeur de son état, disait que Trémeur continua à boire son cidre avec tant d'ardeur qu'il avala. En vérité, ceci est trop dur à avaler tout de même. Mais que voulez-vous? Il disait donc que Trémeur avait avalé sa tête, sa propre tête, et qu'il ne s'en aperçut qu'au moment de payer la dépense et de dire qu'Enavo, bonsoir à la compagnie. Rassurez-vous, nous ne suivrons pas ce farceur de sacristain dans cette affreuse plaisanterie, et je vais vous dire la vraie vérité. Pour lors, le chef décollé ayant roulé dans le fond du pichet, l'homme rouge, qui se tordait de rire, attacha le pichet avec une ficelle sur le dos de Trémeur et lui dit qu'on n'avait plus besoin dans un cabaret d'un imbécile sans tête et par conséquent sans bouche pour consommer le bon cidre. C'était assez naturel et le pauvre Trémeur le comprit. Il se mit donc en route avec son pichet et sa tête sur son dos et résolut d'aller trouver Saint-Herbeau, son parrain, dans l'ermitage où il demeurait, près de la cascade qui porte son nom. « Qui va là ?» Pas de réponse. Saint-Herbeau, ayant regardé par la lucarne, s'écria « Voilà un drôle de vagabond sans figure. Ah, je parie que c'est mon filleul. Tu t'es mis au soleil ou trop près du feu, mon garçon. Le beurre a fondu et ma tête a filé et je viens vous la redemander, mon parrain. » Trémeur ne répondit pas ainsi comme de raison, mais il essaya de le faire comprendre à la manière des muets en remuant ses épaules et son pichet. « Ceci n'est pas trop clair, dit l'ermite. Il faudrait d'abord me dire où elle est, ta diable de tête. » Alors, en secouant plus fort le grand pichet où le cidre clapotait joliment, Trémeur réussit à saisir la ficelle et fit signe à l'ermite de regarder dedans. « Par les cornes de ma vache !» s'écria le patron du bon beurre en examinant le pichet fatal. « Voilà sa tête noyée dans du cidre. Oh, c'est un gros péché d'ivrognerie. Et cette fois, mon pauvre garçon, il n'y a que notre Saint-Père le Pape qui peut t'absoudre et te restaurer si c'est un effet de la volonté de Dieu. En attendant, mon fils, entre ici et causons un peu. Vous plaisantez, mon parrain. Comment voulez-vous que je cause ? Avait l'air de dire Trémeur au moyen de contorsions pitoyables. Ah, c'est juste, dit Saint-Herbault en riant. Alors repose-toi, mon garçon, tu partiras ensuite. À défaut de tête, je vois que tu as du cœur, et ça vaut tout autant, et même davantage. Trémeur vint donc s'asseoir dans la grotte, puis, après s'être reposé, il se leva, fit ses adieux comme il put à son vieux patron, et partit par la route du Belguat pour aller à Rome demander au pape le pardon de ses péchés et sa tête, s'il était possible, de la rafistoler. Mais vous pensez bien que l'on ne peut aller à Rome sans boire ni manger, comme un aveugle qui va de Gourin à Carhaix. Allez à Rome, Seigneur Dieu, et épouvantez le pape et les cardinaux en leur montrant un tel fantôme ambulant avec sa tête dans un pichet sur son dos. Non, non, cela n'était pas possible. Dieu, qui lui laissait la vie, ne pouvait le permettre. En sorte que le malheureux, marcheur infatigable, resta dans le pays breton, où il ne cessait d'errer au hasard, allant et venant pour se rendre à Rome, où tendaient tous ses vœux. Spectre horrible! Il marchait ainsi nuit et jour, comme l'ombre du trépas, priant d'intention, priant sans cesse, et demandant à Dieu d'abréger son épreuve. Il marchait depuis si longtemps qu'il devait se croire bien près de son but. Ses forces commençaient à s'épuiser. Enfin, un soir, après avoir monté la grande côte de Carhaix, l'homme sans tête, accablé de fatigue, voulut s'appuyer contre le mur du cimetière. Mais il manqua son coup. Le maudit pichet donna contre une pierre et fut mis en pièces, si bien que la malheureuse caboche roula dans la poussière du chemin où le décapité essaya durant la moitié de la nuit de la retrouver à tâtons. Par malheur, sa tête avait roulé trop loin sur la pente. Il lui fut impossible de la rattraper et il tomba mourant dans la douve du chemin. En vérité, on en mourrait à moins, comme disait le fossoyeur en riant. Voilà l'histoire de l'homme sans tête. Elle m'a été racontée par mon grand-père, qui la tenait du vieux Bornic, sacristain du monastère. Finalement, je vous engage à aller vous promener du côté de Carhaix si vous ne connaissez pas ce beau pays. Vous y verrez le saint sans tête. Il est toujours là, à la place où il tomba jadis, couché contre le talus du cimetière de Saint-Trémeur. Seulement, il est changé en pierre, naturellement, pour durer davantage sous le soleil et la pluie, et pour rappeler au monde cette histoire surprenante et surtout véritable. Pour moi, je dis en finissant que si Trémeur avait perdu sa tête, il avait gardé un cœur fort, ce qui prouve peut-être que le cœur vaut mieux que la tête.